Ça vide la tête. Exactement. Allez, c'est parti. Charbon comme Omar Gazon. Voilà, mise déchargée dans les coupeurs. Dans la caisse, ta bêtise, elle m'écoute. Jalousée parce que j'ai mis t-shirt d'épée. Les pompeurs, les fils du rétard. Du crachat bouillant après 7 heures. Tu posais avec 4 challenges. Rappel devant le guichet, billet violet. Pour t'allumer, ça revient en moto volée. Pour faire la guérilla au quartier de la Vanda. Elle brille comme une ogma. Son boule vient de toi. Le coffrage sous le matelas. Je le claque pas chez Pépé. J'étais un sur la poche synchro. Grave, je l'explose, je dis tout dans le micro. Parce que tu es un cas, pourquoi tu fais les 6 gros? Faut que mon rat soit libérable, ça fait longtemps, il purge gros. Gros, gros, le charbon s'écrame comme l'Ariane. Tu le sais, en ce moment, arrête que ça fait des longs V. Y'a les jours où on rappe en cavale. Tu le sais que t'es chargé, faut pas te faire obésquer. Cheveux lents, plus tard dans la boca. Quand je vais toniquer, ils vont rester bloqués. Tu as fait un trou, tu connais le quota. La rue, c'est dangereux, d'un coup, ça peut te stopper. Tu es un crasseur, bouge-moi de là. Tu as la boca, bouge-moi de là. Tu es avec eux, bouge-moi de là. Tu m'étonnes trop. On est 5 dans ma tête. Hey yo, je veux être tout seul et ses suceurs veulent m'embêter. Hey yo, toujours les mêmes, même si les vues ont augmenté. Hey yo, je suis à Marseille, ma mère me manque. Je prends des nouvelles et les autres en appellent moi. Tu veux mon avis, quand je te le dis, t'es pas content. Flex, flex. T'es 4S, je rappe, du coup, je pense plus au maton. Flex, flex. Pas de permis, pas de gari. Flex. Pas Warda sous le CDRI. Flex. Pas de love célibataire. Pas de mariage, pas de mairie. Train de vide de crado. J'fais ma mort, j'mange au McDo. J'fais l'amour après studio. J'dors plus trop, j'ai mal au dos. Dos. Flex. Dans pour le jour, ça drive la night, night, night. T'oublies ton amour, elle en a marre, marre, marre. J'ai qu'un gris pour la lime, elle pense j'suis refait. En survêt, pour dîner, mais j'lui fais de l'effet. J'ai pas le bafa, gros, j'vais tous les baffer. Bienvenue de travers. Dis-moi qu'est-ce que t'as fait. Tu es un crasseur, bouge-moi de là. Tu as la boca, bouge-moi de là. Tu es avec eux, bouge-moi de là. Tu m'étonnes trop, bouge-moi de là. On t'a dit bouge-moi de là. Bouge-moi de là. On t'a dit bouge-moi de là. Tu m'aimais pas ça. Ils faisaient tous les vrais, mais en vrai c'est tous des hasards. Et Mikael, oh, j'mets la peuf dans toutes les masses. Terminé à la Benedetto. Tu parlais beaucoup, tu critiquais ta gadi. Pourtant t'as perdu la tête que t'as quitté. Avant tu pleurais pour qu'on te fasse un crédit. Mais aujourd'hui toi ta dette il faut t'acquitter. Ça joue les durs en équipe de Sekanga. Ça cavale sa mère devant la AK. Chacun sa merde, chacun sa baraka. Tu es un crasseur, bouge-moi de là. Tu as la boca, bouge-moi de là. Tu es avec eux, bouge-moi de là. Tu m'étonnes trop, bouge-moi de là. Soube de médaille, j'fais cracher le bébé. À fond j'prends le dodan, gaucher comme Robin. Le rap une aubaine, la vie les problèmes. J'ai plus les moments, j'ai STDM, Audi ou BM. Azik sous TN, change pas ma dégaine. J'ai STDM, Audi ou BM. Azik sous TN, change pas ma dégaine. Quand tu me piques, je réponds pas. Prochaine fois, je te nique ta. J'fais pas semblant si je t'aime pas. J'ai tout niqué, j'en reviens pas. J'suis en Gigit, en ville. CBR, on a 1000. L'année prochaine, ça va péter. Tu veux une pub, c'est 20 000. Tu es un crasseur, bouge-moi de là. Tu as la boca, bouge-moi de là. Tu es avec eux, bouge-moi de là. Tu m'étonnes trop, bouge-moi de là.

Canada. La la la la la la la la la la. Westside, Outlaws, Machiavelli the Don, Solo.